dis-moi ce qu'on a fait. Tous les soirs, plus de liberté. Loving Fun. La seule émission qui vous donne vraiment la parole. Loving Fun. La seule émission qui parle de vous. 01 42 48 5000. Loving Fun. Le best-of. De 22h à minuit. Avec Karen, Alice et Doc Pavageau. Sur Fun Radio. Bonsoir à tous. Bonsoir tout le monde. Joyeux Noël. C'est demain. Le réveillon Noël, les cadeaux à profusion. Qui va ouvrir ses cadeaux le 24? Moi. Qui? Il faut attendre. Moi, c'est le 24. Il faut attendre le matin de Noël. Non, à minuit. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Fun Radio. C'est le best-of de Noël de Love in Fun qui commence avec une belle soirée encore qu'on va passer avec les meilleurs moments de Love in Fun depuis cette rentrée. Et je peux vous dire qu'on s'est régalé franchement avec vous. Vous êtes les meilleurs auditeurs qu'on peut avoir. Ouais. Vraiment. Bonsoir à Doc qui est là. Bonsoir. Avec sa hotte de Noël. Et ma barbe blanche. Ah bah, et ta petite barbe blanche. Ouais. Ça va, Doc? Oui. Parce que là, c'est le rush là, pour toi là, en ce moment. Là. Oui, c'est l'horreur. Hein, et t'as les cheminées, t'as sorti tes rênes. Les traîneaux. Ah ouais. Bien sûr. Ça va être lourd le traîneau. Hein? Ah, dis donc. Parce qu'on nous a posé la question, est-ce que Doc Pavageau, c'est le Père Noël? Ah oui. C'est vrai qu'il a la même beubare et tout. Eh ben, vous savez quoi? On ne répondra pas. On va laisser planer le suspense. Et le mystère, en tout cas, Alice y croit, elle. Ah, écoute, j'ai quelques espoirs, c'est vrai. Tu vas être gâtée pour Noël, Alice. Je vais surtout gâter pour Noël. C'est vrai. Combien de cadeaux tu as eu à faire, toi? Bah écoute, j'en ai à peu près 21 finalement. 21 cadeaux de Noël. Non, mais... C'est un truc de fou, quoi. Alors, Alice a une très très grande famille. Hein. Ouais, c'est ça. Hein, je fais des crédits pour Noël. Bien sûr. C'est vrai, c'est horrible. Bah, non, mais c'est assez dingue. C'est vrai qu'on a tendance un peu à se mettre mal, hein, la période de Noël. Mais oui, mais je sais pas ce qu'ils ont à tous faire des gosses là et tout. Ça se multiplie. Il y en a de partout, quoi. De plus en plus. Faut que ça s'arrête. Ce soir, on va oublier tout cet argent dépensé. Ah oui. On va juste penser au bonheur de recevoir des cadeaux de Noël. Ouais. Et notre cadeau de Noël, c'est de vous offrir un magnifique best-of avec les meilleurs moments de l'émission. D'ailleurs, on va commencer par Yanis. Yanis, 21 ans, de Vifry-sur-Seine. Vifry, pas du tout. Vifry? Vitry-sur-Seine. Ah, tout de suite. Bien sûr. Yanis, là, on connaît. Yanis, je ne sais pas si vous vous souvenez, avait rencontré une fille en soirée, sauf qu'il l'avait complètement mytho en disant qu'il était footballeur professionnel. Ah oui, exact. Ah, c'était énorme. Il voulait justement des conseils pour savoir comment lui dire. Et on l'avait appelé. Restez bien avec nous. C'est le best-of. Ça commence. C'est jusqu'à minuit sur Fun Radio. Pendant les vacances. De 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Salut à vous tous, l'équipe. Merci beaucoup de m'avoir reçu à l'antenne. Eh ben, merci d'être passé. Allez, à bientôt, Yanis. Ciao. Ah, c'est génial. Eh, franchement, vous êtes incroyable. Maintenant, vous dites un mot et vous avez déjà envie de nous remercier. Et ça fait plaisir. Yanis, qu'est-ce qui t'amène là sur Fun Radio ce soir? En fait, j'ai fait une grosse boulette. J'ai fait une grosse boulette et il faut que vous puissiez m'aider. Qu'est-ce que t'as fait comme boulette? Hier, j'étais en boîte de nuit, j'ai rencontré une fille et je lui ai sorti un mytho comme quoi j'étais un joueur du PSG et elle est tombée dans le panneau. Mais non. Elle m'a dit, mais si, je te promets. Et elle m'a dit, mais je t'ai jamais vu à la télé. Je suis dans l'équipe de réserve. Ah, c'est génial. C'est génial. Yanis, donc t'as mitonné une fille en lui disant que t'étais un joueur du PSG. Pourquoi ça te vient comme ça à l'esprit de lui dire que t'étais un joueur du PSG? T'as pas confiance en toi? Si, j'ai confiance en moi, mais c'était un délire. Je l'ai pris comme ça, en fait. Au départ, je me suis dit, ouais, je vais dire que je suis un joueur du PSG. Je pensais même pas qu'elle allait me croire. Bah oui, tu m'étonnes. C'était pour la bluffer. Ouais, c'était ça. Mais t'as le physique. T'as le physique d'un footballeur ou pas? Ouais, quand même. Un petit peu. Ouais, d'accord. Donc t'es bien gaulé, quoi. Oui, ça va. Et j'ai un beau visage. Ouais. Enfin, ça, on s'en fout. Non, hein, mais les footballeurs n'ont pas tous un beau visage. Après, ils ont quand même une carrière. Tu vois, si moi je commence à dire que je joue au Real de Madrid, je pense pas que la personne me croit. Non, c'est vrai. Hein? Mais j'espère toi, Yanis, que t'es à fond sur le foot et que tu sais tout sur le PSG. Oui, mais je fais de la muscu, donc ça va. Il y a un petit peu de d'abdos qui sort, donc ça ressort, quoi. Bon, alors raconte-nous. Donc tu dis à la FIC, voilà, t'es joueur du PSG, donc tu fais la boulette. Qu'est-ce qui se passe après? Je me suis dit qu'elle allait dire arrête tes mythos. Je connais par cœur les joueurs du PSG, je connais les réserves et tout. Et non, elle a fait t'es sérieux et tout. Je fais oui, bah oui. Elle me fait ah ouais, ah mais j'en suis sûr, tu voudras pas prendre mon numéro. Ah ouais, du coup, t'as eu la sensation que parce que t'étais soi-disant devenu joueur du PSG, elle s'était intéressée à toi, alors que si t'avais juste été Yanis, elle s'en foutait en fait, c'est ça? C'est ça. C'est ça. Ah ouais, donc en il fait, était vraiment michetot à fond, celle-là. Oh, mais attends. Non, mais voilà, intéressé par le côté de prestige. Oh, il est joueur de foot, alors ça m'intéresse. Non, mais ça, c'est évident. Non, mais enfin, toi, Alice, ouais. je sais que t'es pas comme ça, mais forcément, si un mec, il a une profession, il est intéressant, il est étonnant, qui sort de l'ordinaire, forcément, il est peut-être plus attrayant, non? Et franchement, ça dépend de la personne. Mais tu peux pas parler avec quelqu'un en avoir rien à foutre de la personne et là apprendre que finalement elle a une petite notoriété et te dire ah oh, mais finalement t'es super, t'es trop la personne à qui je vais donner mon numéro. C'est comme quoi. Ça qu'il faut le faire normalement. Et c'est ça qui est chaud. Tu sais, tu mens et après tu dis, enfin tu mens tout le temps en fait. Hein, tu dis que t'es Yanis au départ, donc si tu dis la vérité et puis après tu lui dis mais en fait tu sais pas ce que je fais dans la vie. Je suis millionnaire. Ou millionnaire. Après. Le pire, c'est que je pensais pas que ça allait prendre de pareilles proportions. Là, elle me lâche plus, quoi. Bah vas-y. Ah, donc depuis que tu lui as dit ça, déjà t'es sorti avec elle, t'as couché avec elle, il s'est passé quoi? Non, il s'est rien passé. Ah ouais, en plus. Donc t'as fait ça juste pour le kiff et maintenant elle te harcèle, quoi. Et maintenant elle me harcèle. Elle me fait ouais, c'est quand est-ce qu'on se voit? Quand est-ce que tu passes me chercher? Mais faut que tu lui dises que c'est pas vrai, que tu lui envoies les joueurs de foot, même les mecs qui sont pas sur le terrain et qu'elle voit que tu fais pas partie de la liste et que t'es pas en photo, enfin nulle part. Tu sais ce que tu fais, Yanis? T'envoies une photo de ta voiture. Hein, si c'est pas une Porsche, elle aura compris. Mais t'as envie de la voir? Ouais, mais après, j'ai peur qu'elle me fasse un truc mal, quoi. Un truc sale. C'est-à-dire? Je sais pas, qu'elle demande à ses potes de m'appeler en inconnu, qu'elle mette une annonce sur Internet, que je vends un studio à 10 000 euros, ou des trucs comme ça. J'ai pas compris, là. De quoi tu parles, Yanis? Dans le sens où, quand on fait une annonce sur un studio à 10 000 euros, il y a tout le monde qui t'appelle. Ouais, bonjour, j'ai vu l'annonce. Mais c'est quoi le rapport, Yanis? Et après, il y a le téléphone qui sonne tout le temps. Mais c'est quoi le... un canular, quoi. Ah, ok, tu il penses qu'en fait... faire un canular pour s'en débarrasser. Non, en fait, tu penses qu'elle va mettre ton numéro sur des annonces pour que tu te fasses harceler toute la journée par d'autres personnes. C'est ça que tu nous expliques? T'as tout compris. Ok, j'ai compris. Voilà. En fait, tu penses qu'elle va te nuire au point de vouloir te faire chier jusqu'au bout. Mais tu lui as dit que t'étais pas joueur de foot, tout simplement? Non, bah t'es con aussi, Yanis. Ça va tout calmer, ça va s'arrêter là. Hein. Ah voilà, Yanis, moi je te propose. Si t'as plus envie de la voir, voilà, si tu veux que ça s'arrête, c'est simple. Je te propose qu'on l'appelle, Yanis, comme ça, tu lui dis la vérité. Si tu veux, moi je lui dis. Hein. Oui, tu fais quoi dans la vie? Je pense que ça passera bien. Tu fais quoi dans la vie, Yanis? Je suis livreur de sushis. Voilà, c'est vachement. Mais à quoi ça sert de mentir? Putain, non, et sans déconner, faut rester soi-même. Hein. Bah, oui, c'est clair. Bien sûr. Enfin, voilà, faut pas avoir honte de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on fait au moment où on rencontre la personne. Enfin, je veux dire, t'es peut-être livreur de sushis aujourd'hui et demain, t'iras sur Mars. T'aimerais bien être joueur de foot professionnel, oui, ok, ça mais. Ça servira de leçon. Non mais voilà, ou sinon tu dis que t'es joueur professionnel mais sur FIFA, tu vois, hein, et que voilà, tu joues bien, tu mets des 4-0 à tes potes. Vas-y, on va l'appeler dans un instant, d'accord Yanis? Ok, ça marche. Allez, dans un instant, on va appeler Yanis. Il a mytho Sarah hier soirée en boîte. Il lui a dit, écoute bébé, je suis joueur du PSG. Ah, tu me connais pas, c'est normal, je suis réserviste. Ah, je joue dans l'équipe réserve. Restez avec nous, ça va être énorme. Quand Sarah va apprendre la supercherie, vous bougez pas. On revient très vite là sur Fun Radio. À tout de suite, les amis. Suivez-nous sur Facebook, la page Love Info. Jusqu'au 24 décembre, Fun Radio vous ouvre une cage de son calendrier de l'Avent. Tous les jours, inscrivez-vous en envoyant le mot Noël par SMS au 74 900 pour tenter de gagner des PS4, des séjours à Avoria 1800 pour le réveillon, des Nintendo Switch et plein d'autres surprises. C'est gagné, bravo! C'est déjà Noël. Merry Christmas! Avec le calendrier de l'Avent Fun Radio.

Paris Saint-Germain, hein, un petit club hein, en plus. Hein. Donc Yanis, t'as mytho une fille hier soir, t'as été en boîte et tu lui as dit « Moi, je suis joueur du PSG pour essayer de la pécho ». Le pire, c'est que tu l'as même pas pécho. Par contre, elle te harcèle. C'est ça. Elle, j'ai une grosse boulette et je suis que vendeur de sushis. Et il est vendeur de sushis. Livreur. Voilà. Livreur de sushis. Eh ben, tu sais, ouais. ça pourrait être un beau cadeau, tu vois. Ouais. Tu viens lui livrer des sushis chez elle. Bon, elle t'intéresse ou pas, Yanis? Ça va être important, ça. Oui, elle m'intéresse, c'est pour ça que je l'ai mis tôt, en fait. D'accord, ok. Bon, c'est surtout ça qui est important. Après, on va voir si, effectivement, elle est plus intéressée par le côté footballeur plutôt que par le côté sushi. D'accord? On verra. Allez, c'est parti. Pas de problème. Ok. Assume, hein. Oui. Allô? Oui, allô? Oui. Oui. Oui, salut, Sarah. Salut. Oui, c'est Anis. Ah ok, oui, ça va? Oui, super, et toi? Ouais, nickel. Tu m'appelles pour qu'on se voit? Non, pas vraiment en fait. Mais je voulais te trouver un truc. Mm-hmm. Dis-moi. Bah tu sais, je t'ai dit j'étais réserviste, joueur du PSG. Oui, je sais. Que je maîtrise le ballon et tout. Oui, t'inquiète. Oui, bon en fait c'est pas mon vrai métier. Ah ok, Je peux savoir pourquoi t'as menti? Bah en fait, parce que je suis livreur de sushis et j'ai eu peur que si je te dis, que mon profil ne t'intéresse pas et que tu t'intéresses pas à moi. Alors que j'ai trouvé que t'étais une fille superbe. Ouais, bah écoute, partir comme ça où tu me dis un autre métier, tu me dis que t'es joueur au PSG et tout, et maintenant tu me dis ça... Les livreurs de sushis, écoute, je crois que ça ne m'intéresse pas trop. Hein. Ah, tu veux plus qu'on reste en contact? Bah, écoute, franchement, bof. Écoute, je sais pas, hier tu m'as vendu du rêve. Franchement, t'as assuré, t'as bien parlé de ça et tout. Et franchement, ouais, clairement, un livreur de sushis, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je t'ai déçu en fait, c'est ça. Écoute, ouais, t'es mignon, hein, mais t'as, voilà, il manquait ce petit plus. Et le petit plus, bah, c'était le fait que tu joues, ouais, que tu sois réserviste, ouais, sans te mentir. Donc, je crois qu'on va en arrêter là. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais comme ça me rassure, là, que je puisse te dire la vérité, c'est... Ça me... Ouais, non, mais ouais, après, la vérité, tu aurais pu me la dire hier, et puis je t'aurais pas passé mon numéro, et voilà, quoi, c'est tout. Comme ça t'aurait évité ça. Oui. Bonsoir, Sarah. Bah, je te comprends quelque part. Bonsoir, ouais. Bonsoir Sarah, bonsoir Yanis, bonsoir. Allô? À tous les deux. Oui, j'écoutais la conversation. Oui, c'est qui? Sarah, je me présente, je m'appelle Karel, je suis animateur sur Fun Radio, c'est mon métier. Alors ça, je vous le dis, ça n'a jamais marché. C'est vrai que je l'ai déjà fait, hein. J'ai déjà été en boîte en disant je suis animateur sur Fun Radio, que dalle. Hein, c'est vrai. Salut Sarah, t'es en direct sur Fun Radio, dans Love in Fun. Okay. Je m'appelle Karel, t'es avec Doc, avec Salut. Alice. Salut. Bon, salut, et voilà, et nous on est là tous les soirs entre 22h et minuit. Et Yanis nous a appelé pour nous dire qu'il avait fait une connerie. Et voilà, il t'a trouvé irrésistible. Et il savait pas comment t'intéresser. Il pensait que t'étais un petit peu une fille inaccessible. Et il s'est dit, je vais me survendre. Je vais dire que je joue au PSG. Moi, je trouve que l'histoire, elle est folle. Je trouve que l'histoire, elle est géniale parce que ça part sur un malentendu. Ça ne peut que fonctionner, votre histoire. T'as même pas été vérifié. Je suis pas sûr. Ça part surtout sur un mensonge, hein. Oui, c'est vrai. Oui, mais il revient vers toi dès le lendemain pour te le dire. Ah ouais, non, c'est beau quand même aussi. C'est mignon. Et en plus, tu l'as trouvé mignon, Sarah, franchement. Ouais, mais ouais, après, je lui ai dit, il manquait un petit truc et il me l'a vendu et maintenant il le reprend. Donc, ouais. Il est quand même champion de France de livraison de sushis. Voilà, mais comme on dit, faut t'avouer et ta moitié pardonnée. Ouais, mais écoute, je sais pas, franchement, ça me. Alors. Du coup, ça m'intéresse pas trop, quoi. Du coup, Sarah, je te pose une question. Est-ce que c'est pas un peu... Enfin, je sais pas, tu vois, je me mets à la place de Yanis. Alors, c'est vrai qu'il a pas bien fait, il a menti. Mais en même temps, toi, parce qu'il est livreur de sushi et qu'il est plus joueur du PSG, il t'intéresse plus, quoi. Tu vois? Non? Écoute, franchement, ouais. Franchement, d'accord. Je perds mon temps, voilà. Ok. Pour toi, c'est pas un mec intéressant parce qu'il a pas un bon métier, voilà. Ouais, c'est pas un bon parti, c'est ça. Ah ouais. Mais c'est fou que t'aies gobé ça quand même, Sarah. Parce que perso, il y a un mec en soirée qui me dit qu'il est joueur sur, enfin joueur n'importe où, dans n'importe quelle équipe. Je sais pas, je rentre, je rentre chez moi le soir, j'ai envie de taper son nom sur Instagram, je veux voir ses photos, je veux voir si c'est vrai. Tu vois, voir si c'est vraiment le mec, quoi. Ouais, je suis d'accord. Et tu l'as cru, quoi, direct. Après, il a lâché plein d'infos, donc je sais pas. Je pense qu'il doit bien connaître. Ouais, ça doit être ça, quoi. Il connaît bien son mytho. Ouais. Voilà, voilà. Et le point là-dessus. Je sais pas si je fais d'autres filles ou pas, mais franchement. Voilà, je sais pas si ça marche trop. Hein. Sarah, et l'être humain qu'il y a derrière, non, en fait, ça t'intéresse pas de découvrir qui il est, ses qualités, ses défauts, c'est juste la question de son métier. Bah, c'est que ça démarre mal, donc j'ai tout de suite envie d'arrêter, quoi, on va dire. Mais le fait de te faire croire ça, c'est quand même un exploit, parce que. Bah, écoute. Mais, je pense pas que t'aurais cru du monde. La façon où je t'ai dit, la façon où j'ai avancé la chose et tout, je t'ai parlé de l'équipe et tout, c'est quand même bien réfléchi. C'est-à-dire ouais, que c'est bien, tu veux une médaille en plus. Bon, écoute, un bon comédien. Sarah, a priori, faire mon forceur. Non mais, non mais voilà, ça sert à rien, Yanis. Puis franchement, alors, moi, je vais peut-être me mettre Sarah à dos, mais. J'aurais pas envie de te rencontrer, ne serait-ce que par rapport à. Après, je peux comprendre qu'il y a eu mensonge, hein. Mais cette façon de réagir, Sarah, enfin voilà, t'es plus intéressant parce que t'as plus d'argent, t'as plus de notoriété. Enfin, je sais pas, quand on rencontre quelqu'un, on rencontre une personne, ouais. Bon après. Ouais, j'ai pas le temps pour ça. Ok. Voilà. À bientôt, Sarah. Allez, au revoir. Au revoir. Salut. Au revoir, Sarah. Au revoir, à bientôt. Bon bah Yanis. Hein, ce qui devait arriver arriva. Ah, c'est vous êtes vraiment géniaux. En fait. Tu nous as appelé pour qu'elle arrête de t'harceler. Maintenant, c'est sûr qu'elle va pas t'harceler. Hein. Oui. Ça c'est sûr. Ah, elle est voilà, pas intéressée. En fait, maintenant, j'en suis sûr qu'elle va plus m'harceler et je suis sûr qu'elle va pas me faire un canular ou voilà. Je pense que ça passe bien là, grâce à vous. Ouais, bah t'inquiète, on est là pour vous tous les soirs. Yanis, on te fait une grosse bise. Merci, je vous embrasse très fort et continuez à mettre du bon son. Ouais, ça marche Yanis, salut à toi. Salut, salut. Salut, salut et évitez de dire hein, que vous êtes footballeur professionnel. Ah bah oui. Faites-vous passer pour Kassim à la Réa de Fun Radio. Hein. Ah bah ça marche à chaque fois. Hein. Ah putain, j'ai baisé moi. Pendant les vacances, de 22h à minuit. Retrouvez les meilleurs moments de Love in Fun sur Fun Radio. Belle soirée tout le monde, c'est le best-of de Noël, Love in Fun sur Fun Radio. Et dans un instant, restez bien ici, on sera avec Olivier de Metz. Il est routier et sa copine voulait lui introduire des objets dans les fesses. Oui, dans son cucu, il n'était pas sûr voilà, s'il devait le faire ou non. Bien évidemment, nous lui avons donné des bons conseils. Restez bien avec nous, c'est Love in Fun. When I was young, I fell in love, we used to hold hands, man, that was enough. Then we grew up, started to touch, used to kiss underneath the light on the back of the bus. I know your daddy didn't like me much, and he didn't believe me when I see you with a wall. Every day, she found a way out of the window to sneak out late. She used to meet me on the east side, in the city with a sun on set. And every day you know that we ride through the back streets of a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me, yeah. We can do anything if you put a mind to it. Take your whole life and you put a line through it. My love is yours if you're willing to take it. Give me a heart, you're set, gonna break it. So come away, start it today. Starting the lights together in a different place. We know that love is how all these ideas came to be. So baby, run away with me. 17, and we got a dream to have a family, a house and everything in between. And then suddenly, we're 10-23 and now we got pressure for taking our life more seriously. We got a dead end jobs and got bills to pay. Have old friends and now our enemies. And now I'm thinking back to when I was young, back to the day when I was falling in love. He used to meet me on the east side, in the city where the sun don't set. And every day you know where we'd ride, through the back streets in a blue Corvette. You know I just wanna leave tonight. We can go anywhere we want. Drive down to the coast, jump in the sea. Just take my hand and come with me. Singing, we can do anything if we put our mind to it. Take your old life and you put a line through it. if you're willing to take it. Give me your heart, cause I ain't gonna break it. So come away, starting to date. Start a new life together in a different place. Know the love is how all these ideas came to be. So baby, run now. Play with me. Run away now. Run away now. She used to meet me on the east side. He used to meet me on the east side. She used to meet me on the east side. The city with the sun on set. Le best of. Best of. De 22h à minuit sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Aucun tabou ici. Hein. Vous savez que vous pouvez venir parler de tout. Il n'y a rien qui va nous choquer. Ah oui. Hein, non, mais c'est vrai. Je pense qu'il n'y a plus rien qui nous choque. Encore que. Ah non. Parfois, on est encore surpris. Hein. Merci beaucoup d'être avec nous sur Fun Radio tous les soirs du dimanche au jeudi, 22h minuit, Love in Fun. Et on va accueillir Olivier. Il a 27 ans. Il vient de chez toi, Alice. Il ah vient oui de la Lorraine, la belle ville de Metz. Bonsoir, Olivier. Salut, Karel. Salut, Doc. Salut, Alice. Salut. Salut. Bonsoir Olivier, qu'est-ce que tu fais en ce beau dimanche soir? Pas grand-chose, il fait froid, on reste à la maison. C'est vrai que les soirées comme ça là, pendant la période hivernale, c'est pas ouf. Hein. Ah non. Ouais, tranquille devant la télé. Ouais, voilà. Et avec la radio, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Et Olivier, tu nous appelles pourquoi? Qu'est-ce que tu veux savoir, toi? Alors en fait, je vous appelle parce que j'ai ma compagne qui très souvent me réclame des choses sexuelles et je suis pas très emballé. En fait, elle me demande souvent de m'introduire des objets. Des objets dans... Bah, dans le cul en fait. Ah oui, non bah alors pourquoi pas, hein. C'est vrai qu'on a déjà retrouvé des objets dans les culs. Ah, mais attention, ouais. Est-ce que ça reste pas bloqué, hein, parce que je sais pas si t'as déjà été voir des sites voilà qui parlent de ça et genre t'as des radios avec à l'intérieur des objets qui sont restés dans des culs. Ouais, c'est chaud, hein. Et les touristes ça resterait du sextoy. Ça resterait, oui, parce qu'il y a des touristes qui font le petit voyage à Paris et puis ils se rendent la Tour Eiffel dans l'anus. Hein, et c'est dur pour faire ressortir un doc, une Tour Eiffel. C'est pas pratique du tout. Ah oui, c'est pointu. Et alors, Olivier, qu'est-ce qu'elle veut te rentrer dans l'anus? Des godes. Ouais. Des plugs. Des plugs. Ah, le plug anal, c'est quoi ça, doc, un plug anal? Alors, le god, on l'utilise pendant le rapport sexuel. Le plug, c'est un peu comme plug and play. Donc, ouais. C'est comme un bouchon. Tu le mets et ensuite, tu le portes. D'accord. Alors, tu peux le porter juste pendant le rapport sexuel. Sinon, il y en a certains ou certaines qui le portent pendant plusieurs heures ou pendant toute la journée ou qui vont faire leurs courses avec. D'accord. Ah ouais. Ah super. Alice, t'as peut-être un plug anal au moment où on parle. Non, pas du tout. Ah. Mais c'est vrai que j'ai vu la différence parce que ça m'est déjà arrivé de tester des sextoys, les sextoys Lelo qu'on a, et on a des sextoys exprès justement stimulateurs prostatiques. Et la différence, c'est qu'il y a une petite bague, un petit anneau qui t'empêche d'aller trop loin. Ah ouais. Ouais. Mais genre, comment on peut se promener avec un plug anal? Ça ressort pas? Genre, on n'a pas une petite queue de renard? Bah non, je sais pas, j'en ai jamais mis, je t'avoue, mais c'est comme le même principe que les femmes qui peuvent se promener avec un œuf, avec une petite télécommande ou des trucs comme ça, tu vois. Enfin, ça reste un trou, quoi. Donc on peut y cacher des trucs. Hein. C'est profilé de telle manière qu'effectivement ce soit serré au bout et que donc du coup ça ne ressorte pas spontanément. Oui. Alors en direct de Plug Anal Land, nous avons Kassim. Kassim, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien, oui. Oui, Kassim, vous portez le Plug Anal régulièrement? Ah oui, je le porte souvent et là actuellement je l'ai, attention, je vais l'enlever. Et voilà. Ah, ben voilà. Ah, tu vois Olivier, hein, ça fait comme si on débouchait une bouteille de champagne. Hein, c'est ça, ouais. Ça, alors, toi, si t'as pas envie, Olivier, j'ai envie de te dire, ne le fais pas. D'où lui vient cette ouverture d'esprit au niveau du plug? Je sais pas. Ça fait quelques mois que pendant le rapport, elle essaye déjà avec son doigt et. Ouais. Et moi, en fait, le truc, c'est que j'ai peur de plus arriver à me regarder pareil que je suis... Enfin, oh, Olivier, attends. Non, ça change rien, vous êtes en toute intimité. Sentir, homme, quoi, j'ai pu me sentir homme. Attends. Olivier, c'est pas parce qu'on se prend un petit doigt dans le cul qu'on n'est plus un homme. Hein. Faut savoir que c'est une zone érogène, Olivier. Ouais, je sais. Bah, apparemment, elle a regardé pas mal de choses sur Internet. Mmh. Et, mais donc, pas toi. Moi, pas encore, mais il paraît que, ouais... Voilà, mais après, faut savoir t'en donner envie. C'est-à-dire que c'est pas juste, ok, elle a envie de te mettre un doigt, elle te met un doigt. C'est sûr que juste comme ça, ça va peut-être pas marcher. Il faut qu'elle te communique son envie, et puis il y a manière de faire. Donc après, si toi t'as pas du tout envie du tout, bah tu fais pas, hein, pas obligé. Ça peut être plus tard aussi. Mais après, elle peut peut-être aussi t'apprendre à le faire, jouer avec, trouver la manière qui toi te ferait plaisir. C'est peut-être pas le plug tout de suite, c'est peut-être pas le god tout de suite, c'est peut-être pas le doigt non plus, mais c'est déjà au moins voir quelles sont les sensations qui seraient agréables pour toi, et puis celles qui ne te vont pas et que tu n'aimeras pas. C'est quelque chose qu'elle fait sur elle, que toi tu fais sur elle? Ouais, moi je fais sur elle, ouais. Ah bah alors, y a pas de jaloux, Olivier? Non, ben bah, moi je suis un mec ouvert sexuellement, j'ai toujours été plutôt ouvert. Mais c'est vrai que ouais, je suis un peu réticent. Oui, alors faut pas craindre du tout le côté masculin, viril, etc. C'est une zone érogène, voilà, comme tout un tas d'autres zones, comme les tétons chez les hommes aussi. C'est pas parce que on stimule un téton chez l'homme que oh bah ça y est, je suis plus un homme. Eh bah, ben la zone anale c'est pareil. Le tout c'est que tu prennes du plaisir. Après si t'en prends pas et qu'il y en a pas, qu'elle essaye doucement, gentiment, agréablement, de toutes les manières possibles. Et si vraiment t'aimes pas ça, bah écoute, t'auras essayé puis tu dis non et puis c'est tout. Hein. Bah oui, alors, on a le numéro de téléphone d'Aurélie. Tu veux qu'on l'appelle pour en parler? Ouais. Ok. Je vais lui parler alors, d'accord? Ok, ça marche. Ok. Je voulais dire qu'on est tous les deux ensemble dans une chambre et qu'on s'apprête à utiliser un plug anal. Je sais pas pourquoi, je pense qu'elle va pas me croire. Elle est où là? Elle est à la maison. Ok. Et toi? Moi, je suis dehors. D'accord. Oui, allô? Oui, bonsoir. Pourrais-je parler à Aurélie? C'est moi. Salut Aurélie, bah voilà, je t'appelle, en fait je suis avec Olivier là. Oui. Ouais, il est parti dehors et tout, on s'est rejoint dans la voiture. Et bah en fait on a un petit problème, parce que j'ai ramené mon plug anal, mais il veut pas que je lui mette dans les fesses. J'ai le même souci. Ah bah oui, ah bah voilà, on a un point commun Aurélie. Hein? Oui. Mais alors comment on fait du coup? Parce que toi t'y arrives pas, moi j'y arrive pas, on peut peut-être s'y mettre à trois. Peut-être. Bonsoir Aurélie. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que tu as repéré la supercherie. Un petit peu. Tu es en direct sur Fun Radio, Aurélie. J'ai cru comprendre. Bonsoir Aurélie. Salut. Bonsoir. Salut. Alice, salut. Doc, moi c'est Karel et on est avec Olivier. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Salut. Dis bonsoir Olivier. Salut. Ah, il a l'air motivé. Hein. Alors Aurélie, tu sais pourquoi Olivier nous a appelé? Non. Alors, il nous a expliqué, voilà, avec ma chérie, on est très libérés, moi je suis assez ouvert sexuellement, mais là, elle veut me rentrer des objets dans l'anus, et j'ai peur de perdre ma virilité, ça me plaît pas trop, j'ai pas trop envie de ça, et là, il sait pas trop comment t'en parler, quoi. Oui, c'est un peu un sujet un petit peu tabou. On essaye, enfin, j'ai essayé, du moins, de lui parler de cette envie-là. C'est vrai que j'étais sur ce plan-là, j'étais un petit peu moins réticente au début, justement dans mon sens. Mm-hmm. Je me suis ouverte sur tout ça en me documentant et au final j'apprécie ça beaucoup. Et du coup, je me suis dit pourquoi pas tenter dans l'autre sens aussi. Bah ouais. Après, oui, t'as bien raison. Hein, pourquoi pas dans un sens et dans l'autre. Alors évidemment, chez un homme, c'est un petit peu plus compliqué parfois. La femme peut être un peu plus ouverte à ça. Les hommes ont un petit peu peur que ça fasse plus masculin, que ça fasse plus viril, qu'ils perdent ce genre de côté-là. Bon, voilà, faut bien dire que c'est dans l'intimité complète, la vôtre, que toi tu te lâches, que tu te laisses aller à ça, que tu prends du plaisir, que t'as juste envie de voir si lui, il peut en prendre. Il s'agit juste de le dire comme ça, et pas plus que ça. Voilà, que vous communiquiez encore dessus. Qu'est-ce que tu fais de manière pratique pour essayer de lui donner envie? C'est important que toi, tu lui communiques ton envie, donc comment tu fais? Alors on en parle, je lui en parle et j'essaye pendant les rapports de me diriger déjà avec mes doigts à cet endroit-là, mais en général ça bloque. Ouais, ça bloque tout de suite. Ça bloque. Ah mais alors, je vais dire un truc, moi je suis comme Olivier, hein. J'ai l'impression qu'on est frère d'anus. Moi j'ai déjà eu ma copine et tout qui essayait de me rentrer le petit doigt et tout, genre putain c'est pas possible quoi, genre je me rétracte. J'ai l'impression que, enfin, je sais pas. Pourtant, ça fait tellement de bien. Non, mais c'est ça en fait, Aurélie, que tu comprends pas, c'est que, je t'assure, moi, ça me fait pas de bien du tout, quoi. Moi, ça me chatouille. J'ai l'impression que, je sais pas. Et, Olivier, toi, t'as quelle réaction? Moi, je me recroque vie comme un escargot. Moi, c'est pareil. Ben voilà. C'est pareil, ça me coupe le truc et ouais. Ouais, non, mais voilà. Après, je pense que si t'as pas envie de faire un truc, ça t'éclate pas, ben, tu le fais pas. Oui. Voilà, après Aurélie, tu peux essayer. Alors l'anulingus, c'est un bon moyen de donner du plaisir autrement. C'est pire, sans... Mais oui, mais on rentre pas le doigt. C'est lécher le cul, hein, je rappelle. Oui. Hein. On rentre pas le doigt. Bon, voilà. Une langue sur le... Mais c'est une sensation. Après, c'est juste tapoter le doigt, c'est mettre du lubrifiant, c'est juste caresser, toucher. Et juste ça, pas plus que ça. Pas aller jusqu'à l'introduction du doigt. Le doigt, c'est déjà particulier. Et puis si, aussi bien en touchant, en mettant du gel, en tapotant, en léchant, tout ça, ça passe pas du tout et qu'il n'y a rien à faire. Bon, bah, à un moment donné, il faut laisser faire. Et puis peut-être que vous y reviendrez plus tard aussi. C'est pas dramatique que ce soit maintenant, ça peut être plus tard. Oh ou non, pas, non, ou non, jamais. Ça l'est pas, ça. Alice, t'as déjà mis des doigts dans des anus, toi ? Une fois vraiment profond, mais c'était une sorte de petite vengeance et je m'en suis un peu voulu. Parce qu'une fois, un ex à moi m'avait mis un doigt dans mon anus au moment où je m'y attendais pas spécialement. On était en train de faire l'amour et tout. Bon, je le sentais venir, il était pas trop loin, mais d'un coup, paf, il est rentré d'un coup. Et sur le coup, ça m'a bloqué et il comprenait pas. Et je lui disais, mais tu verras, un jour, ce sera ton tour. Et en fait, il allait dans la douche et je sais pas pourquoi il s'est baissé pour amener un truc et je me suis dit, c'est le bon moment. Oh mais sauf que. Par surprise. C'est là où je me suis rendu compte que l'anus d'un homme n'est pas du tout le même que l'anus d'une femme. Je pensais juste le toucher, mais là t'as rentré le point. Mais tout mon doigt est rentré d'un coup. Donc le mec s'est vraiment senti, bah voilà quoi. Je veux dire, violé dans son intimité. L'agression sexuelle. Non mais c'est ça. Et donc j'avais pas à le faire. Et je me sentis très gênée parce que je pensais pas du tout que ça allait glisser comme ça. Donc ça m'est déjà arrivé. Après moi je suis ouverte. Si le mec kiffe et qu'il a envie, pourquoi pas essayer. Mais Aurélie en tout cas, écoute, j'espère que le message est passé. Olivier, tu veux rajouter un truc? Bah non, merci à vous pour les conseils. Ah bah, y a pas de problème. Hein. Après, voilà, tu peux toujours essayer. Et franchement, si ça te tente pas, bah t'y vas pas. Hein. Bah ouais. Et Aurélie comprendra parce qu'elle t'aime. Bah oui. Aurélie, on te fait des gros bisous. Ouais, gros bisous à vous, merci. Gros bisous Aurélie et salut, Olivier salut. Bah écoute, bon courage, hein, parce qu'on ne sait jamais. Hein, peut-être que pendant la nuit, tu vas être réveillé. Peut-être, ouais. Hein, bah bon courage. Salut Olivier. C'est comme à lui. Merci, bonne journée. Dans la douche. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao, bonne journée. De 22h à minuit, le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. 22h minuit, le best of de Love in Fun sur Fun Radio et avec Lucie dans un instant. Vous le savez ici, à l'appel anonyme à tout moment, vous pouvez être anonyme et venir nous parler de sujets parfois un peu plus lourds. C'était le cas de Lucie. 13 ans, très mature, hein, Lucie. Elle nous avait parlé d'un mec qui était au collège et qui avait essayé de la toucher. Et depuis, son surnom à l'école, c'était la salope, la pute. On en reparle avec elle. Vous restez bien avec nous sur Fun Radio. Suivez-nous sur Instagram. En tapant Love in Fun. Bruno dans la radio. 6h-9h sur Fun Radio. Faites du bruit pour Soprano. Soprano qui cartonne sur scène, qui cartonne dans The Voice. Sopra, je te fais écouter des enfants qui chantent. Tu me dis ce que t'en penses. Oui. Mon petit lapin a bien du chèque. C'est ma fille Romy. Elle a quel âge? Elle a 14 ans. 14 ans. Elle a 14 ans. Magnifique, je me serais retourné. Merci Sopra. Faites du bruit pour Soprano les amis en live. Voici en feu. Ce soir je suis en feu. Je suis en feu. Bruno dans la radio. Oh. Joyeuses fêtes, la famille. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah, ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. 22h, minuit. Le best of sur Fun Radio.

c'est juste du chantage comme ça. Mettre un coup de pression en fait. Tu voulais juste lui faire peur. D'ici. Au final, bah, moi je voulais pas d'argent, je voulais pas aller porter plainte, je voulais rien faire, c'était juste pour le faire peur. Et le problème, c'est que ça s'est retourné contre moi et le garçon avec qui s'est passé l'histoire lundi, il l'a répété à la CPE et au directeur. Du coup, j'ai pas eu le choix d'expliquer tout ce qui s'était passé. Et ma mère voulait porter plainte contre ces deux garçons après ce qui s'était passé. Ah bah oui, il faut, Lucie. T'as été agressée. Et, elle a été convoquée par le collège. Et l'infirmière, la CPE et tout ça, ils ont dit il faut pas porter plainte. Je sais pas trop ce qu'ils lui ont dit, mais ils lui ont dit il faut pas porter plainte et tout ça. Bah, tu comprends bien, Doc, que si elle porte plainte, ça va porter préjudice au collège. Ouais, mauvaise image. C'est pas la faute au directeur, de toute façon. C'est les comportements de ces garçons. Ces garçons, ils doivent être, punis pour ce qu'ils ont fait, de toute manière. Toi, t'as raconté toute la vérité au directeur, du coup? Toute la vérité. J'ai pas eu le choix de lui raconter ce qui s'était passé. Ok, mais il faut vraiment que tu racontes tout en entier, que tu sois franche, honnête, sincère, avec effectivement, t'as fait une boulette en demandant de l'argent, c'était une mauvaise idée, mais il faut aussi dire ça. De toute façon, c'est sûr que ça va être ta parole contre la leur, en l'occurrence, parce que là, ils sont plusieurs, mais il faut que tu racontes la vérité, et il faut le dire à la police. Là, t'as pas d'autre choix. Si le directeur dit, il faut pas porter plainte, il faut y aller, justement. T'as pas d'autre solution. Sinon, tu vas pas t'en sortir. La CPE, d'après ce que ma mère m'a dit, j'étais dans la lune à ce moment-là. Il y avait tellement de problèmes au collège que j'ai pas trop écouté ce qu'elle m'a dit. Mais apparemment, la CPE a lancé une enquête de police, je sais pas trop quoi. Et mercredi, j'ai été convoquée dans le bureau de l'assistante sociale qui m'a demandé de lui expliquer ce qui s'était passé et tout ça. Donc moi, je lui ai expliqué tout ça, mais j'avais vraiment pas envie de lui parler. Mais il faut en parler de ces choses-là. Pourquoi t'as pas voulu en parler au début? Qu'est-ce qui t'a retenu? En fait, j'avais peur de ce qui allait se passer. Déjà, on te juge de leur côté. Déjà oui, qu'on me juge, qu'allait se passer après. Alors que t'as été victime de ça. Ce que risquaient ces deux garçons et puis ce que je risquais moi, parce que il y a tous les faits. Ce garçon avec ce qui s'est passé lundi, il retournait tout le monde contre moi. Donc ça pouvait très bien se retourner contre moi que. Non. À partir. C'est pas vrai tout ça. Donc. À partir du moment où tu dis la vérité en entier, d'un bout à l'autre, avec tes erreurs à toi, l'erreur est humaine, tu seras cru. Tandis que si t'essayes d'échapper à quelque chose, que tu racontes pas, que tu vas pas là, que tu témoignes pas ici, évidemment, ils vont se servir de ça. Donc non, je sais que c'est difficile, hein, parce qu'il faut être forte pour aller voir la police et dire voilà ma version des faits. Mais la police, elle est là pour écrire ta version des faits. Et l'important, c'est que toi, tu dises ta version des faits, parce que pour l'instant, personne veut l'entendre, et que comme t'as peur, et les autres en face, c'est bien ce sur quoi ils comptent, c'est que t'aies peur et que tu dises rien et que tu fasses rien. Eh ben non, justement, toi, tu vas voir la police et tu racontes tous les détails en entier. Parce que là, t'es victime de harcèlement, Lucie. Mais bien sûr. On te traite de salope, tu peux pas continuer d'aller au bahut en étant traité de salope dès que t'arrives, quoi. Tu vois, la salope, la pute. Ça va, quoi. Là, aujourd'hui, après tout ce qu'on t'a dit, qu'est-ce qui va se passer? T'as envie de faire quoi? Franchement, je sais pas du tout, parce que vu le bordel que c'est, déjà je suis convoquée pratiquement tous les jours dans le bureau de la CPE, je suis convoquée toutes les semaines dans le bureau de l'assistante sociale, de l'infirmière, donc franchement je sais pas du tout ce que je vais faire, parce que c'est trop compliqué à gérer. Mais justement, comprends une chose aussi, c'est pas à toi de le gérer, déjà. Oui. C'est déjà avec tes parents qu'il faut gérer. Des adultes. Des adultes. Il faut aller plus loin, si tu veux, Lucie. Si tu veux vraiment que ça s'arrête. Je veux dire, à partir du moment où t'es victime d'agression sexuelle, tu vas porter plainte et tu écoutes pas le directeur qui veut que son école ait une belle réputation, quoi. C'est pareil. Ça me rend dingue, ça, les mecs et tout. Bien sûr. Et c'est dans plusieurs bahuts, ça. On tait les gens, ils ont pas le droit de parler. Parce que sinon, ça va faire une mauvaise réputation, quoi. La police, elle fera son enquête. C'est son travail. C'est pas à toi de dire mais je vais pas le dire parce que sinon la réputation de lycée. T'as pas à prendre toutes ces choses là en compte. Toi, tu fais un témoignage, tu dis des choses comme elles sont, précises depuis le début, en racontant tout. Et la police, elle fait son travail et son enquête. Lucie, tu nous tiens au courant. On va se rappeler assez rapidement pour t'encourager quand même à le faire, parce que j'ai l'impression que là, tu vas raccrocher, il va rien se passer. Je te connais, Lucie. Dis-le à ta maman, elle voulait déjà porter plainte. Tu vas la voir, tu lui dis, écoute maman, j'ai bien réfléchi et j'ai envie de porter plainte. J'ai besoin d'aller au bout de ça, que ce soit pour mon moral, pour ma réputation, pour le fait aussi que les personnes qui ont fait, qui ont commis ce genre d'acte soient punies et que ça se reproduise plus, tu vois. Et ta maman, elle va t'aider à faire ça, faire les démarches. Et si t'as plus envie d'avoir rendez-vous tous les jours chez le CPE, parce que je vois pas pourquoi ils te prennent tous les jours dans leur bureau, tu leur dis, ça suffit maintenant, je vous ai fait part de mon discours, vous avez pris en note tout ce que j'avais à dire, maintenant vous me lâchez, quoi. L'infirmière, tout ça, si tu dois être suivi, si t'as besoin d'en parler, parce que c'est une bonne chose, continue. Mais le reste, rapproche-toi vraiment de ta mère pour qu'elle t'aide par rapport à ça. Surtout qu'elle, elle voulait le faire. Donc c'est le bon moment. Faut aller au bout des choses par rapport à tout ça. Bah, après, ma mère, elle voulait le faire parce que je lui ai pas dit que c'était juste une main en fesse. Elle a juste dû comprendre qu'il m'avait très clairement touché de partout, même sur les parties intimes. Mais ça change rien. Il t'a touché les fesses, tu ne voulais pas. C'est une agression sexuelle. Elle s'est inventée plein d'histoires. Elle connaissait pas la vérité. Et l'assistante sociale lui a expliqué tout ce qui s'était passé, tout ce que je lui avais dit. Et maintenant, bah, elle me dit, enfin, quand je lui dis, du coup, tu vas porter plainte, elle me dit, bah, je pense pas. Mais on s'en fout, même pour le harcèlement, tu peux porter plainte, tu vois. Tu peux porter plainte même pour ça, sans parler de l'agression physique. Et ça, c'est encore un élément supplémentaire. T'as pas besoin d'être victime d'un viol ou d'une agression physique sous les vêtements pour être écoutée. Quelqu'un, tu as dit non, et la personne l'a fait quand même. C'est suffisant. Ouais. On est là en tout cas. Bon, Lucie, on va se tenir au courant parce que j'ai l'impression que ça va prendre un petit peu de temps tout ça. Hein. Oui, c'est normal, c'est dur. En tout cas, il va falloir se sortir de cette situation, Lucie. Ça, on est d'accord là-dessus. Donc, pour s'en sortir, il va falloir faire des petites choses. Voilà, des petites choses qui c'est toujours un peu chiant et tout de passer par ces moments-là parce que ça fait jamais plaisir, mais c'est ce qui va te permettre d'aller mieux, Lucie, et c'est ça l'objectif, c'est que tu te sentes bien dans ta peau, que tu sois heureuse d'aller au bahut et que t'aies des bonnes notes, des petits copains avec qui ça se passe bien, quoi, tu vois. D'accord, Lucie. Déjà tu nous as appelé, c'est bien, en tout cas bravo. Déjà on te fait des gros bisous et on va se tenir au courant, tu repasseras dans l'émission là très bientôt, d'accord? OK. Bisous Lucie, bisous, tu raccroches Lucie, pas. Salut. Salut. Love in Fun. De 22h à minuit. Le best of sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio. Et à tout moment pendant cette émission, vous le savez, vous pouvez tester la fidélité de votre copain, de votre copine. Le sexy chocolat. On réécoute les meilleurs sexy chocolats de cette année avec dans un instant celui de Jérémy, 21 ans, à Paris, un barman, plutôt beau gosse, qui avait testé sa copine en direct. Vous restez avec nous, c'est Love in Fun. Le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. C'est Love in Fun sur Fun Radio. Merci beaucoup de passer la soirée avec nous. Dimanche soir à la cool. J'espère que tout va bien, que vous profitez bien de votre soirée là. On va prendre des nouvelles de Jérémy, tiens. Hein, c'est pas une bonne nouvelle, ça, justement. Ah bah si. Hein, Jérémy, 21 ans de Paris. T'es là, Jérémy ? Je suis là. Salut Karel, salut Alice, salut Doc, salut tout le monde. Salut. Salut Jérémy. Alors, Jérémy, il y a quand même du sourire dans ta voix. Et oui. Autant te dire qu'on est plutôt content d'entendre ça, parce que c'est vrai que quand on s'était quitté cette semaine, c'était pas la folie. Hein, je rappelle que Jérémy avait testé la fidélité de sa copine dans le sexy chocolat. Jérémy, juste avant que tu nous dises pourquoi ça a l'air d'aller un petit peu mieux, je te propose qu'on réécoute ensemble ce qui s'était passé dans l'émission là cette semaine. Ouais, carrément. On écoute. Arrête. C'est sérieux là, ça sonne. Alors, je suis perdue dans mes commandes. Oui. Allô. Oui, allô. Oui, oui, allô. Oui. Oui, bonsoir, pourrais-je parler à Pénélope, s'il vous plaît? Oui, c'est moi. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je sais que je vous appelle très très tard, je me présente. Je suis Denichon, je fais partie d'une chocolaterie qui s'appelle Sexy Chocolat. Et je vous appelle, alors je suis vraiment désolée de vous appeler si tard, hein, j'avais pas vu l'heure. Et je suis encore au boulot, donc c'est pas grave, vous inquiétez pas. Bon, bah c'est super. Alors en fait, je me présente, Denichon, la chocolaterie Sexy Chocolat. En fait, on est une boutique de chocolat sur la thématique de l'érotisme. Et je vous appelle pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous avez en fait gagné un coffret chocolat à offrir à la personne de votre choix. C'est quelque chose que nous vous aimerions vous offrir gratuitement. Bien sûr, vous n'avez rien à payer. C'est en fait pour nous faire un petit peu de publicité. On se met à appeler quelques particuliers, voilà, dans la ville de Paris. On a aussi une boutique du côté de Metz. On ouvre des boutiques un petit peu partout en France. Et c'est une grande opération qu'on a lancée. Donc là, Pénélope, je me permets de vous appeler parce que j'aimerais offrir un coffret chocolat érotique à la personne qui partage votre vie. Et ce sera gratuit, hein, ne vous inquiétez pas. Non, je comprends pas comment j'ai pu gagner quelque chose, j'ai rien rompu. Alors, je vous explique, je suis totalement transparent avec ça. Vous le savez, il y a ce qu'on appelle des listes téléphoniques. Nous avons acheté une liste téléphonique parmi différents opérateurs et nous avons fait un tirage au sort parmi tous les numéros de téléphone. Voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Donc ça, là-dessus, moi, je vais être clair. Hein. Voilà comment ça se passe en réalité. D'accord. On se permet pas d'appeler directement les gens, mais on a une liste avec plein de numéros de téléphone. Nous, on fait le petit tirage au sort et notre petite popote, et c'est vous qui avez été tiré au sort. Et c'est pour ça que je vous appelle un petit peu tard, parce que j'ai essayé d'appeler toute l'après-midi et les gens ne sont pas disponibles. D'accord, ouais, bah, ouais, ok. Mais c'est donc vraiment gratuit, votre truc. Enfin, alors, il s'agit d'un coffret chocolat, sexy chocolat, que nous allons envoyer à la personne de votre choix, avec à l'intérieur des huiles de massage. Il y a ce qu'on appelle des savons aussi, odeur chocolat. Donc, on est dans la thématique érotisme, sensualité, sexualité. D'accord ? Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la spécialité de la boutique. Vous connaissez les chouquettes ? Oui. Nous avons les chouquettes. Voilà. Ce sont des chouquettes en forme de pénis. Vous comprenez? Oui, bah voilà, c'est pareil. Vous connaissez les chocolatines? Oui. Eh bien, voici les chocolapines. D'accord. Ouais, chocolatine, pain au chocolat, ça dépend comment chacun l'appelle, c'est ça? Exactement. Alors, moi, ce que je vous propose, c'est d'envoyer un petit coffret à votre petite amie. Vous avez un petit ami? Oui. Très bien. Quel est son prénom? En fait, je suis la maîtresse de mon patron. Et bah, du coup, après, voilà, si c'est pour livrer chez lui, effectivement, sa femme, si elle tombe dessus, c'est un peu compliqué. Mais bon, évidemment, si c'est gratuit et que vous pouvez livrer au travail, bah, pourquoi d'accord pas. Ah bah oui, bah là, c'est... on va dire. Ah bah c'est chaud de ouf. Donc ce qu'on va faire, Pénélope, donc moi je vais vous passer mon responsable. Vous inquiétez pas, on va livrer directement au travail à son petit nom. Il y a pas de souci. Donc je vais vous passer mon responsable qui va prendre les coordonnées de cette personne. D'accord, pour me donner l'adresse de votre travail. D'accord. D'accord. Très mais bien. Ne quittez pas, je passe la personne. Ok. Pénélope. Ouais. Donc du coup, t'es la maîtresse de ton patron. Donc ça t'emmerderait. Ça t'emmerderait que ton patron, du coup, soit emmerdé avec sa femme. Mais par contre, toi, t'as pas pensé au fait que t'étais en couple. Non mais Jérémy, qu'est-ce que tu fous là? Bah je fous là que j'avais tout simplement des doutes sur ta relation avec ton patron depuis pas mal de temps et que je vois que c'est bien fondé. D'accord, et t'as besoin de passer par une chocolaterie pour ça. Enfin je. Alors, c'est pas vraiment une chocolaterie, c'est plus tout simplement la France entière. Parce que là, tu es actuellement à la radio. C'est toi, Karel. Bon, j'aurais bien pu te présenter. Bonsoir. Alors, oui, on va expliquer, Jérémy. Je prends juste deux petites secondes et après, on va vous laisser parler tous les deux. Donc, Pénélope, ouais, effectivement, tu viens de te faire piéger. On va être transparent puisqu'on l'a été depuis le départ. Sauf que, on t'a piégé, Pénélope. Moi, j'ai aucun problème avec ça. À partir du moment où Jérémy nous appelle, et je veux dire, si t'as rien à te reprocher, ça se passe toujours très bien et au final, la personne comprend. Et c'est normal parfois d'avoir des doutes. Là, en l'occurrence, tu t'es fait piéger. Moi, j'assume totalement le sexy chocolat. Vraiment. Et j'aurais été content de pouvoir appeler certaines fois le sexy chocolat. Je te le dis direct. Après, Pénélope, il suffit juste d'être clair. Je veux dire, t'entretiens une relation avec ton patron, tu l'as dit clairement. Maintenant, c'est peut-être aussi le moment de t'expliquer parce que il y a juste une histoire d'amour avec Jérémy. Pourquoi ça fonctionne plus? C'est maintenant, c'est en ça qu'on peut vous aider aussi, quoi. Je veux dire, là, maintenant que Jérémy est au courant et on peut comprendre qu'il soit très énervé parce qu'il s'en doutait, qu'est-ce qui va se passer? Donc, Pénélope, Jérémy, Il va se passer qu'elle va dégager de la maison déjà pour commencer. Oui, parce que c'est chez toi maintenant. Bah oui, c'est chez moi. Oui, là, tu dégages. Hein. Excuse-moi, c'est pas moi qui fais la connerie, c'est moi qui suis débitailleur. Voilà, donc c'est clair que franchement, c'était pas la joie. Ah, c'était parti très très loin quand même. Mais au final, t'avais des doutes et ça s'est révélé exactement ce que tu t'étais imaginé. Avec le patron. C'est ça, ouais. Bon. Tout à fait. Jérémy, que s'est-il passé après cet appel? Vous êtes vu, vous êtes parlé? Non. En fait, non du tout. Parce que j'ai décidé déjà, premièrement, de couper totalement les ponts. Ouais. Et j'ai potentiellement eu un petit coup d'adrénaline. En fait, mercredi, J'ai réécouté le podcast de l'émission. Ouais. Parce que du coup, je voulais faire écouter à des potes et tout. En même temps, parce que je leur ai dit, bon, voilà, écoutez, hein, vous voyez ce que ça devient. Et du coup, en fait, j'ai décidé d'enregistrer la partie, d'enregistrer le podcast, de couper, de prendre juste la partie. J'ai l'émission en clé USB dans une enveloppe. Et en fait, je suis allé à l'adresse de son patron. Ah là là. Mercredi après-midi. Donc, il était au boulot, elle était au boulot. Enfin, je sais pas ce qu'ils faisaient ensemble, hein, mais de base, ils étaient tous les deux au boulot. Ouais. Et du coup, bah, j'ai sonné, c'est sa femme qui a ouvert, je lui ai donné l'enveloppe, je lui ai juste dit que j'étais désolé, mais qu'elle aussi devait être au courant. Oh, et, oh là là. Et du coup, je lui ai souhaité une bonne soirée et je suis parti. Ah, t'as pas pu t'empêcher de te venger, ouais, quoi. Je pouvais pas. Pourquoi t'as fait ça? Je pouvais pas laisser. Moi, je sais pas. Mais je pense que j'aurais pas fait ça. Après, je comprends, parce que t'as envie, du coup, que ce soit clair, tu vois, genre, attends, t'as envie, vu que ça se termine pour toi, tu te dis, bon, bah, je vais trouver un moyen de faire en sorte de lui pourrir tout son délire, de faire en sorte qu'il n'y ait plus de relation avec le patron et tout. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, parce que, sachant qu'ils sont mariés, il y a une histoire, enfin, le patron, il avait genre 45 ans, il avait une histoire derrière, mariage et tout, c'est clair que là, t'as dû, enfin bon, c'est pas de ta faute. Justement, toi, alors, Jérémy, c'était mercredi, là, on est dimanche, t'as eu des nouvelles depuis, il s'est passé des choses? Bah, du coup, en fait, je l'ai totalement bloqué. Je me suis arrangé pour le jour où elle devait passer récupérer ses affaires, parce que je suis toujours dans l'appart. Hein. Bah oui, c'est ça. Le jour où elle devait récupérer ses affaires, moi, je me suis arrangé pour que ce soit un pote qui soit à la maison. Ouais. Un pote dont, en plus, je sais qu'elle aime pas du tout. Jusqu'au bout. C'était marrant. Et je l'ai bloqué de partout. Enfin, j'ai vraiment plus du tout envie d'avoir affaire à elle. C'était la dernière chose que je voulais faire, non pas forcément pour me venger, mais aussi pour que la femme avec qui le patron est, qu'elle-même elle se rende compte également que bah elle mérite une meilleure vie que de sortir avec un type qui serait de faire des choses pareilles. Ouais, tu voulais foutre la merde. Deux enfants, foutre la merde, j'en sais rien, mais au moins qu'elle soit au courant comme moi je l'ai été. Elle c'est trop tard. Elle a déjà les deux enfants. Moi je l'ai su avant de lui parler de ce projet. Donc okay. Maintenant ça passe. Bon bah écoute, merci en tout cas Jérémy de nous avoir filé des news, comme ça on en sait un petit peu plus. On attend que la femme de ce monsieur nous appelle, hein, pour se venger. Hein, bah voilà. Ah là là. Et bah tiens-nous au courant en tout cas si jamais t'as des nouveaux échos. A priori il risque plus d'y en avoir puisque t'as bloqué tout le monde, mais si jamais ouais, il se passe quelque chose, n'hésite pas, hein, on aime bien savoir un peu la suite, d'accord? Ça marche, bah y a pas de souci. Bon courage Jérémy. Merci encore à vous. Salut Jérémy, ciao. Ciao, bonne soirée. Le best-of. De 22h à minuit sur Fun Radio. Belle soirée tout le monde. C'est le best-of de Noël de Love in Fun sur Fun Radio avec dans un instant Zap de Coco. Le Zap de Coco qui nous avait régalé pour l'anniversaire de Kassim. Ah ouais. Hein, Kassim qui avait fêté ses 30 ans. Ah putain. On va réécouter les meilleurs moments du Zap de Coco spécial anniversaire de Kassim. Vous allez voir, c'est le top du top. Vous restez bien avec nous. C'est Love in Fun jusqu'à minuit. Suivez-nous sur Snapchat. En tapant Love in Fun Radio. Ce soir, dès minuit, it's time to party fun. On vous donne rendez-vous tous les soirs pendant les vacances sur Fun Radio. Finissez l'année avec les meilleurs DJ. Tous les soirs, dès minuit, l'émission de référence Dance Electro, c'est... Party of Fun. Et ce soir, à minuit, Martin Jensen, en DJ set sur Fun Radio. Et Adrien, ça y est, je l'ai trouvé. Oh JB, c'est sympa, t'as pensé à mon cadeau de Noël? Oui, mais pas que. Ah, ben là, je vois pas. J'ai trouvé mon Sam. Ton Sam? Oui, Sam, celui que tu désignes avant de sortir et qui te ramène de soirée. Sam, le super pote qui ne boit pas et qui conduit au retour pour t'éviter de rentrer à pied. Ah, bah respect, Sam, mais c'est qui? Bah, c'est toi, Adrien. Ah, cool. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Retrouvez Sam, le conducteur désigné, sur Facebook. Écoutez Fun Radio partout dans le monde sur funradio.fr. Falling into you, baby, in electricity, can't compare to what I feel when I'm with you. Oh baby, giving up my ghost for you, now I'm see through you. Give me a feeling, feeling so strong. Treating yourself wrong, so let me care for you. Ooh. 22h à minuit, le meilleur de Love in Fun. Sur Fun Radio, le Zap de Coco, spécial Kassim. Love in Fun. Sur Fun Radio. Coco, c'est Coco du Standard hein, qui vous répond tous les soirs avec Méloche au 01 42 48 5000 à qui on a donné une rubrique. Ce soir, tu as envie de régaler ton ami Kassim, Coco. Bah, régaler Kassim, effectivement, mais modification dans le Zap de Coco. Ah bon ? On va faire un petit changement. On va commencer par une nouveauté, le Cocopédia. Alors c'est quoi le Cocopédia? C'est la seule encyclopédie qui a bien voulu bien faire la biographie de Kassim. D'accord. Toutes les informations sont vérifiées, elles sont vraies, elles sont certaines. Et personne ne pourra nous dire le contraire parce que c'est Muriel, alias Mumu, la maman de Kassim, qui les a confirmées. Ah bah voilà. Alors attention, fermez les yeux, je vous replonge 30 ans en arrière, le 20 novembre 1988. Année sombre pour le peuple français, qui perd l'un de ses meilleurs humoristes, Pierre Desproges. Mais comme on dit, un de perdu, un de retrouvé bien sûr. Kassim apparaît comme une divinité ce 20 novembre 1988 à la clinique de la Montagne à Courbevoie. Ouais, il est midi 20. Oh putain. L'avenir de l'humour est né. Oh merde. Il mesure 52 cm pour 3 kg et déjà à l'époque, un nez imposant. Il devait être tout poilu. Effectivement, ses parents et la sage-femme lui prédisent déjà un avenir de comédien. Le rôle de Cyrano est pour lui. Mais c'est dans le sport que Kassim se découvre un talent, l'athlétisme. Il court comme un lapin, nous dit sa mère. Mais il ne le sait pas encore. Mais par la suite, il baisera aussi comme un lapin. Hein, mon petit lapinou. Eh oui. Kassim est un élève appliqué, si vous ne le saviez pas. Il aime le système scolaire. C'est la raison pour laquelle ses camarades de classe, aussi nombreux hein, sont-ils, le surnommeront le président. Ah, des redoublants. Oui, non, attends, le président. Parce que Kassim a effectué des quinquennats scolaires. Des quinquennats. Des quinquennats, excusez-moi, je ne sais pas m'en lire. Des quinquennats scolaires. 5 ans de collège et 5 ans de lycée. Qui dit mieux ? Qui dit mieux ? Et pas le brevet. Et pas le brevet, c'est ça le pire. Pas le brevet. Bon, son trait de caractère principal est la sociabilité. Il a failli devenir paysan, nous dit Bakir, son papa. Il adorait traire les vaches pendant les vacances en Ardèche. Mais le petit Kassim, qui gambadait il y a plusieurs années dans les prés, avait un rêve en tête. Faire de la radio. 30 ans plus tard, Kassim n'est pas en retard et il est derrière les potards. Bon anniversaire, Kassim. Oh, bravo. On dès qu'il s'agit de faire un beau zapping pour son poteau, allez, il a du beau. C'est gentil. Il a, non, mais gentil. Voilà, non, c'est vrai, non, mais parce qu'il lui lèche les couilles. Mais, hein, oui, c'est sûr. Mais c'est un super travail parce qu'en fait, il a presque rendu Kassim attachant. Enfin, c'était vraiment un moment. Vrai. Ouais, c'est fou. Hein. Alors que franchement, je peux vous dire, c'est une merde. Pute. C'est une grosse merde, ce mec. C'est une vraie salope. Et le pire, je veux pas vous décevoir, mais c'est que c'est pas fini. Ah non. Qu'est-ce qui va se passer? Toujours un tour dans sa poche, celui-ci. Je vais vous en parler plus parce que j'ai des questions-réponses. Ah, d'accord. Des questions-réponses. Ok. J'ai tout simplement en fait des dires que Kassim a utilisés pendant les émissions. Alors j'ai écouté beaucoup d'émissions, j'ai récupéré beaucoup de conneries qui sont sorties de la bouche de Kassim et je les ai fait diagnostiquer par sa copine. On va commencer avec la première. Moi j'ai une bite tellement énorme que, bon elle est pas si grande mais elle est large et du coup on l'appelle la canette. Ah oui, la canette, sa bite la canette. Alors j'ai vérifié auprès de sa chérie et elle dit pas tout à fait ça. Oui, c'est vrai que elle est assez, enfin, elle est pas très grande, mais bon, en tout cas, moi, je l'aime bien parce qu'elle est rafraîchissante, quoi. J'en connais une qui va boire un soda ce soir. Hein. Ah. Oh là là, avec des bulles, ça va pétiller tout ça. Hein. Deuxième réponse, Kassim, on envoie. Une nuit, je me suis réveillé, et j'avais la tête dans un cul. Ah, Kassim avait la tête dans un cul. On a vérifié si c'était vrai ou si c'était faux. Alors, je sais pas s'il s'est réveillé vraiment la tête dans un cul, mais en tout cas, oui, au matin, quand il se lève, il a vraiment une tête de cul. Ça, c'est vérifié. Ça, c'est vérifié, c'est scientifique. Magnifique. On continue avec la troisième. Moi, ce que j'adore faire avec ma meuf, c'est qu'au moment d'éjaculer, je sors ma bite et le gicle dans l'œil. Et du coup, à cause de ça, bah, aujourd'hui, elle est myope. Elle est myope. On a vérifié scientifiquement, hein. Lila nous répond. Alors c'est, moi je peux vous dire, j'ai une très bonne vue. Enfin, j'ai 12 sur 10 à chaque œil. En revanche, c'est Kassim qui a des lunettes. Hein. Voilà. Comme quoi, faut savoir s'en servir de sa canette, Kassim. Hein. Attention. Elle est super, Lila. Ah, elle est super sympathique. Et elle a répondu à une dernière question. Un jour, j'ai envoyé un sexto hyper trash à ma meuf en lui disant, ce soir, je vais te faire siffler à la rondelle. Sauf que je l'ai envoyé à sa daronne. Et j'ai une réponse positive. Alors tu voulais faire siffler la rondelle à ta belle-mère, Kassim. Ah, exactement, parce qu'elle est plutôt fraîche. Ah, et ben écoute bien ce que Lila a fait aussi. Ah bah putain, bah ça tombe bien parce que j'ai envoyé le même message à son père et je peux te dire qu'elle m'a fait siffler la rondelle. Hein. Comme quoi, hein? Ah, mais non! Ah, si, on pense très fort à ton père et du coup à Mumu, hein, à ta maman, Kassim. Bisous. Ils partagent tout dans la famille, hein. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. J'ai été aidé par contre pour la suite. J'ai été aidé par Monsieur Sopin, qui est le qui s'occupe de tous les sons de l'émission du soir. Bien sûr, le producteur sonore. Exactement. Et on a fait, je pense, franchement, je vais pas me lancer de fleurs. On a fait un truc extraordinaire. Ah, si vous avez fait quoi? Ça s'appelle les compiles de Kassim. Les compiles de Kassim, donc c'est basé sur son rire, hein, c'est sur ça? Sur son, exactement, parce que Kassim fait tout le temps ah. Comment tu fais? Ah voilà, c'est voilà. Ça c'est le rire de Kassim. Ah. Et donc avec Jérôme, vous êtes amusé à faire une compile. Exactement, ça s'appelle les compiles de Kassim. Vous aimez les rires? Vous aimez les chansons populaires? Vous aimez Kassim, le reproducteur de Love in Fun? La production de Fun Radio vous présente la compile des plus grandes reprises de Kassim avec son rire insolite. Ah, c'est génial. Des hits avec Marwa Loud. Ah, ah, ah, ah. Toi et toutes tes bobines sont des De la romance avec R. Kelly. Ha. Ha. Ha. Du rock and roll avec les White Stripes. Ha. Du dance floor avec David Guetta. Pour les soirées mariage, Bézu. Ha, ha, ha. Et pour les événements sportifs, Hermès House Band. Les plus belles reprises de Kassim, une compile pour toutes les bourses. En vente nulle part. Bravo, bravo. Magnifique, magnifique. Ah, c'est génial. Magnifique. Bravo Jérôme. Ah ouais, Jérôme, il déchire. 22h minuit. Love in Fun. Le best-of. Sur Fun Radio. Avec vous depuis 22h et jusqu'à minuit, on continue le best-of, les meilleurs moments de Love in Fun. Dans un instant, c'est Florian, 21 ans de Bordeaux. Il voulait appeler sa copine parce qu'il comprenait pas en fait sa copine. Il l'a trouvée indécise, on l'avait appelée pour mettre les choses au clair. Et franchement, ça ne s'était pas du tout passé comme on l'avait prévu. I can't go fast enough. You left behind, and I can't get high enough to forget why I cry. So Radio. Ouais, tous les soirs en direct sur Fun Radio du dimanche au jeudi, 22h minuit, c'est l'horaire de Love in Fun. Et on l'entend qui souffle dans son téléphone. Oui. C'est Flo qui nous rejoint sur Fun Radio. Bonsoir Flo. Bonsoir toute l'équipe, comment vous allez? Ah bien. Salut. Flo, t'as 21 ans, t'es à Bordeaux. Ouais, tout à fait, c'est ça, 21 ans, Bordeaux. T'appelles pourquoi Flo? Ah, j'appelle parce qu'avec ma copine, c'est un peu compliqué, elle me lance des signes contradictoires. Ça fait combien de temps que t'es avec elle? Bah, ça fait pas exactement, on va dire, on se fréquente depuis 2-3 mois. De 3 mois. Mais vous êtes ensemble ou pas ensemble? Ben, on est ensemble. Quand on se voit, on est ensemble. Mais quand on se voit pas, ben, elle considère qu'on est de simples amis, en fait. Donc, je ne sais pas où trop où j'en suis. Ah, vous l'avez déjà embrassé? Non, mais ça a failli, c'était limite. Et mais par respect pour elle, je ne l'ai pas fait pour éviter de la brusquer. Ah, mais vous n'êtes pas ensemble alors? Parce que si tu. Enfin, quand on est en couple, quand on se voit, en général, il y a des. Voilà, des gestes de tendresse, des bisous, des câlins. Oui, tout à fait. J'ai déjà pris dans mes bras, j'ai déjà tenu dans la main, par la main, voilà. Elle a déjà mis les mains sur mon t-shirt. Voilà, une main sur ou sous? Sous. Ah. Ouais. Mais pour vous toucher quoi? Dans mon dos, niveau. Mes épaules, mon dos, enfin voilà quoi. Mais tu l'as jamais embrassé, Flo, et t'as 21 ans quand même. Ouais. Elle a quel âge? Elle a 20 ans et j'ai pas voulu la brusquer quoi. Parce qu'elle m'avait demandé de pas. De voilà, pas de la presser, pas de la brusquer. Ok, ça voilà, c'est bien. À son écoute. Tu la respectes. D'être à son écoute, voilà, je la respecte totalement. Mais en même temps, est-ce qu'on peut vraiment dire que vous êtes ensemble, que vous sortez ensemble, que vous formez un couple, etc. Pour l'instant, pas encore. Pour l'instant, même. Non, c'est pas officiel. Mais c'est pas ta copine encore. Pas officiellement, mais quand. Voilà, ouais. Parce que quand on se voit, bon, elle m'a déjà fait comprendre qu'on serait que de simples amis, sauf que le lendemain, je lui repose la question, je lui redis, on a parlé de faire des projets d'avenir ensemble, on a parlé de faire des projets comme si on était en couple depuis 5 ans, quoi. Donc, c'est un mais peu quel genre de projet? Bah, par exemple, de prendre un appart ensemble, de mettre nos salaires en commun pour enfin être plus facile à une vivre. Une coloc, quoi. Ouais, en sorte de coloc, mais. Ah oui, mais couple, elle te dit qu'elle veut juste être amie avec toi? Elle t'a jamais embrassé, ça te paraît pas clair. En fait, elle a la sensation juste que elle veut rester amie avec toi, mais elle t'envoie des signaux, genre comme quoi elle a envie d'être proche avec toi. Genre en fait, finalement, elle veut d'un ami, mais ça l'arrange bien d'avoir des petits massages, des petites papouilles et d'avoir un mec qui s'occupe d'elle, quoi. C'est ça. Surtout qu'elle a reconnu qu'elle avait un blocage et qu'il lui fallait du temps, mais que comme elle avait jamais eu de sentiments, pour moi, elle ne sait pas ce que c'est ressentir quelque chose pour quelqu'un. Elle a jamais été amoureuse? Jamais été amoureuse, non. Et que je me dis, pour moi, elle ressent quelque chose de différent chez elle, et elle prend peur, et c'est là qu'il y a son blocage. Oui, c'est possible. Parce qu'elle m'a clairement dit qu'elle avait envie d'aller plus loin avec moi. Ok. La veille, qu'elle m'a remballé. Qui était remballé. Oh putain. En même temps, elle t'a dit aussi que vous n'étiez que des amis, c'est ça? Elle t'a dit ça comme ça. Oui, bipolaire, hein. Non mais c'est possible mais aussi qu'elle soit pas trop au courant de ce qu'elle veut et qu'en plus elle ait des moments des petites impulsivités. Kassim, je t'aime. Non, je te déteste. Ah, mais non mais c'est vrai, c'est un vrai problème. Il y a plein de gens comme ça qui ont du mal à se situer au niveau de leurs émotions parce que et puis finalement ils le ressentent vraiment. Peut-être qu'un jour elle a envie d'être avec toi et l'autre jour elle se rend compte que c'est voué à l'échec. Quand j'ai dit bipolaire, c'était vraiment pour grossir le trait quoi, pour que tu comprennes. Mais ouais, tout à fait, ambivalente en tout cas. Oui voilà. Donc on va lui passer un petit coup de téléphone. Tu nous as dit que t'étais en froid avec elle. Si on l'appelle, tu peux lui parler ou tu veux qu'on lui parle? Ah oui, moi je peux lui parler, sauf si elle accepte de pas se braquer, pas d'être impulsive, voilà quoi. Mais alors, juste avant qu'on l'appelle, Flo, ça a l'air déjà d'être tellement prise de tête. Et alors oui. Que vous vous êtes même pas embrassé, qu'est-ce que tu vas t'emmerder dans une histoire qui paraît déjà si compliquée? Elle te rejette en permanence, et là elle te le prouve, elle te parle plus pour ça. Genre oui, elle veut marquer le coup pour que je comprenne qu'on soit amis. Donc là, franchement, je pense qu'elle peut pas faire plus clair. Et donc on s'accroche souvent hein, comme ça à des personnes qui veulent pas de nous. Hein, moi, ça m'arrive souvent. Oui, ça peut arriver. Maintenant, voilà, il faut laisser passer un peu de temps, je pense, aussi bien l'un que pour l'autre. Elle a l'air de vouloir être dans la friend zone. Donc, pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça peut évoluer, mais tu dois respecter aussi son choix. Si c'est le cas, on va bien voir en l'appelant et on va voir ce qu'elle va dire. Carrément, on y va, Flo. On y va, on l'appelle tout de suite, là. Ok. Allô? Allô? Oui? Tu m'entends? Oui, c'est qui? Tu me reconnais, toi? Non. D'accord. Je vois que tu m'oublies vite. C'est Florian? Bah oui, c'est Florian. Tu m'appelles en masqué, alors que tu veux que je reconnaisse? Bah en même temps, je sais pas. Mon téléphone, il peut des fois bugger. J'ai réglé mes appels en masqué, donc. Ok. Bon, ta journée s'est bien passée? Ouais. Il me raconte quoi de beau? Rien. Je suis en train de faire à manger, donc je suis un peu occupé là. Là, je suis un peu occupé et dans 2 minutes, je suis grave occupé parce que ça marche pas plusieurs choses en même temps. Bonsoir, Chloé. Bonsoir. Salut Chloé. Alors, a priori, t'es un petit peu occupée, donc c'est pour ça que je me permets d'intervenir dans la conversation, parce que je crois qu'il va falloir mettre les choses au clair. Moi, je vais t'expliquer, je m'appelle Karel, et t'es en direct dans Love in Fun, ok? Il y a un médecin qui est là, il s'appelle Doc, et Alice. Salut. Également. Salut. Et Chloé, on est un petit peu embêté parce qu'on a Flo qui nous a appelé ce soir pour nous expliquer qu'il était très très amoureux de toi, et qu'il avait le sentiment, justement, que, il savait pas trop sur quel pied danser avec toi. Et on sent même dans ta façon, dans sa façon de te parler, qu'il essaie toujours d'être très attentionné, très gentil avec toi, te ramener le soir, pour... Il a l'air chiant quand même, hein. Attends, à peine décroché, tu te souviens pas de moi et tout, le mec super susceptible qui prend la mouche pour rien, t'as l'air chiant Flo quand même. Il est amoureux, il sait pas comment en fait te parler, Chloé, parce qu'il est décontenancé, il sait pas comment, voilà, sur quel pied danser avec toi quoi. Il sait pas si tu l'aimes bien, si tu l'aimes, si un tu... ami oui, ou mais plus. Le truc c'est que moi je lui ai déjà expliqué par message qu'il y avait rien de ma part. Ok. Donc c'est clair pour toi, t'as jamais eu de sentiment. Ah oui, c'est clair, je l'ai déjà dit donc. Et tu t'es jamais imaginé en couple avec lui? Non, mais même ça, je lui ai dit aussi. Il nous a dit que t'avais quand même mis la main sous son t-shirt. Au niveau de son dos. Non, il m'a forcé parce que j'avais froid. C'est bidon. Ah oui, donc c'est lui qui dit j'ai froid. Et que vous aviez des projets peut-être ensemble plus tard. Ouais. Genre coloc. Non, mais non. Et Chloé, moi j'ai une autre question à te poser. Alors pourquoi tu te fais ramener par Flo tous les soirs? Est-ce que c'est juste par intérêt alors que tu sais qu'il a des sentiments pour toi? Non, parce qu'à la base, moi, je l'aimais bien, mais bon, voilà, après, c'est potes, c'est tout. Tu l'aimais bien, mais tu sais qu'il te rend service tous les soirs en te ramenant chez toi, mais tu sais qu'il oui, mais bon, il le fait pas sans ça, raison. Je vais me forcer à quoi que ce soit, donc après, je lui ai mis au clair, je lui ai dit, si t'attends quelque chose, viens plus me chercher, en gros, c'est bon. Oui, bah t'as raison. Si tu lui as dit ça et que c'est clair, eh bien, j'espère alors que là, il l'entend. Il a fait deux, trois messages, il les a pas trop répondu, voilà, c'est bon. Oui, il se fait un peu des films, de toute façon. Mm-hmm. Voilà, donc après, s'il veut qu'on reste potes et tout, je veux bien, mais sinon... Et t'as quelqu'un d'autre dans ta vie, Chloé? Non. Ok. Et avec Flo, ce sera jamais envisageable? Non, non. Okay. Il faut qu'il l'entende. T'entends, Flo? Je l'entends très bien. Chloé, je peux te poser une question? Oui. Pourquoi? Alors, est-ce que tu reconnais m'avoir dit que j'étais quand même quelqu'un qui était totalement différent des autres que tu avais connu, et que tu trouverais jamais un mec autre que moi? Ah bah c'est clair, c'est spécial, hein. C'est vrai, c'est spécial, tu vois, c'est vrai. Tu veux dire, Chloé, que là, t'es un peu, quand t'as dit ça, tu te foutais un peu de sa gueule? Non. Bah là, la façon dont t'as répondu, enfin, on n'est pas tous débiles, on a tous compris la même chose. C'est un unique, c'est un bon gars, il est spécial, mais en fait, on ne se correspond pas, on n'est pas pareil. D'accord, c'est un bon gars pour te ramener chez toi. Et pourquoi tu m'as dit que tu sais qu'il se passera forcément quelque chose entre toi et moi? Non, ça, je l'ai pas dit, ça. Tu me l'as pas dit? Ça te dit rien? On était encore dans la voiture, tu m'as dit, je sais qu'il se passera forcément quelque chose entre nous, mais il faut qu'on laisse faire les choses. Ça, c'est parce que t'avais plus d'essence. Il fallait que tu passes à la pompe. Non, mais n'importe quoi. Chloé, si je t'appelle, si j'ai fait ça, c'est pas pour qu'on s'engueule. Au contraire, j'ai justement envie de pas perdre le contact. Oui, ben. Après, c'est que voilà, quoi, c'est que. Non, mais je sais, rien, je t'en... Que... Non, mais je t'entends, j'entends bien, sauf que quand tu m'envoies des messages et quand on se voit, tu m'envoies des signes contradictoires. Ouais, non. Et est-ce que j'étais déjà forcé à faire quoi que ce soit? Non. Non? Mais on a alors pourquoi est-ce que. Je t'ai jamais forcé, t'es d'accord? Oui, mais on n'a jamais rien fait. On n'a jamais rien fait, je t'ai jamais forcé. Tu as même reconnu quand je t'avais pris dans mes bras, que je t'avais posé délicatement sur ton lit et qu'on s'est retrouvés l'un sur l'autre, que tu avais apprécié. Non. Ah si, c'est ce que tu m'as dit. Chloé, c'est ce que mais tu m'as non. dit. Ah si, reconnais, Chloé. Chloé, reconnais si t'as... Si t'as... De quoi? Bah, peut-être qu'effectivement, tu te sentais bien avec lui à ce moment-là. Si tu l'as dit, oui, reconnais-le. On peut être... Moi, j'ai des potes mecs, je suis bien avec eux, mais c'est pas pour ça que... Voilà. Chloé, on te remercie en tout cas et on te souhaite une bonne soirée, Chloé. À très bientôt. Merci et bonne soirée à vous aussi. Salut Chloé. Bon, alors Flo, moi, tu me fais beaucoup de peine. Franchement, tu me fais de la peine. Mais oui, tu t'accroches beaucoup trop et il faut pas que tu la gardes comme amie. Ça va te faire du mal plus qu'autre chose. T'as beaucoup trop à offrir à quelqu'un d'autre. Ah, il faut ouais, là. On est d'accord qu'elle s'est quand même contredit. Elle s'est pas contredit, Flo. Franchement, Flo, c'est horrible à dire, mais elle avait pitié pour toi et pour la situation. Elle t'apprécie en tant que pote. J'ai pas posé parce que j'avais pas envie de la déranger plus longtemps, etc. Mais elle m'avait quand même dit qu'elle était quelqu'un qui disait les choses cash, qu'elle était honnête et franche, directe. Ben, pas pourquoi, là. Dès le début, et pourquoi dès le début, elle me l'a pas dit? Parce qu'elle a merdé. Énervée, mais... Elle s'est peut-être posé la question une seconde. Ça se trouve, elle s'est peut-être dit, est-ce que ça ira plus loin avec Flo? Et en voyant comment tu agissais, elle s'est peut-être dit, bah non, il est pas fait pour moi. Peut-être qu'un jour, elle s'est peut-être posé la question. question, oui, est-ce que je vais me mettre en couple avec lui? Et finalement, elle s'est rapidement rendue compte que t'étais un pote. C'est difficile à avaler, c'est difficile à digérer, mais il faut vraiment que tu réussisses à passer à autre chose. Passer à autre chose. T'attendre pendant 2-3 mois, je suis désolée. Si dès le début, elle savait qu'on n'allait pas être ensemble, qu'elle me le dise cache. Mais elle ça peut venir au bout d'un moment. Au bout d'un moment. Au bout de deux mois. Eh bah oui, mais il y a un moment où les choses, elles prennent réalité. On peut dire quelque chose le premier jour, la première semaine, même le premier mois. Puis à un moment donné, ça prend réalité et ça devient quelque chose qui est sûr. Et là, écoute, hein, on l'a eu au téléphone et les choses sont claires. Tu es un ami, point. Ça ne sera pas plus que ça. Donc, sors de là. Arrête de réinterpréter tout à ta sauce, à toi, et de vouloir à tout prix donner un sens qui elle tient. Elle dit des choses, donc il faut que tu les entendes et sors de là. Je comprends, elle veut qu'on reste amis, on restera amis, c'est tout. Ah, tu veux un conseil, Flo? Je te donne juste un conseil comme ça. Ouais. Pour moi, tu seras jamais ami avec elle. Mais oui. Parce que tu auras toujours un sous-entendu de ton côté. Et si tu veux avancer un peu plus dans tes relations amoureuses pour la suite, vas-y tranquille, quoi. Parce que là, tu fais, à mon avis, beaucoup d'erreurs dans une relation. Tu dois être étouffant, je pense. Tu dois pas arrêter de... Oui, tu réfléchis trop. Bien sûr, Flo. Essaye de l'acheter avec tes attentions. Tu as essayé d'être tellement gentil en te disant « Ouais, elle aura jamais connu un mec aussi gentil que moi, aussi que tout ça. » Finalement, C'est elle qui me l'a dit. C'est elle qui me l'a dit. C'est pas moi qui lui ai dit de me le dire. Oui, mais t'as tout fait pour cultiver ça, justement. Donc, essaye d'arrêter de tout calculer. Moi, je suis pas rendu compte alors, donc je dois être con. Mais non, mais il faut que tu sois gentil. Ça fait partie de ta nature. T'as le droit d'être comme ça et c'est bien que tu sois comme ça. Ça serait bien qu'il y ait plus de gens comme toi. Mais tu te prends trop la tête. Donc, vraiment, laisse faire les choses et passe à autre chose avec elle parce que vraiment, tu mérites quelque chose de mieux. Mmh. Ok. Bon courage, Flo. Ouais, merci. Salut, Flo. Bisous, salut. De 22h à minuit, le meilleur de Love in Fun sur Fun Radio. Love in Fun sur Fun Radio et Love in Fun, vous le savez, ce sont des débats. Et on avait parlé des bisous. Oui, parce que est-ce qu'un bon bisou, un baiser d'amour, c'est avec ou sans la langue? Le débat est lancé et on aura plein de réactions dans un instant. Vous restez bien avec nous. C'est le best-of de Noël sur Fun Radio. Darkness bring out our emotions. Mix them up in that life potion. Lose my head for you. Countless times we catch the sunrise. Fix some scars we share with white lights. Lose my head for you. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. I got the keys to heaven now. Bays all around and they got my mind spinning. Keys to heaven now, bays all around and they got my mind spinning. Suddenly doors just open wide. Doors open wide. Fun sur Fun Radio et c'est vrai que aujourd'hui on a débattu sur le baiser. Qu'est-ce que c'est qu'un vrai beau baiser d'amour et d'amoureux, bien sûr. C'est quoi un fail de bisous? Parce que ça peut arriver aussi de ne pas savoir embrasser. Mmh. D'ailleurs, on vous a posé la question sur le Facebook et vous avez été tellement nombreux à réagir qu'on voulait absolument vous avoir à l'antenne pour en parler. Alors, on va parler des bisous réussis, des bisous ratés, mais à mon avis, surtout des bisous ratés. Hein, Audrey est avec nous. Bonsoir, Audrey. Salut toute l'équipe, comment ça va? Ça va Audrey, t'as 25 ans et tu nous appelles de mots. Est-ce que tu penses que t'embrasses bien? Bah, c'est bien, je serais, mais je dirais quoi, ça va, ça marche bien. Ça marche bien, en tout cas t'as jamais eu de critiques négatives concernant tes bisous? Non, on m'a encore jamais rien dit, à part si on me ment, mais non, on m'a rien dit. Il t'est déjà arrivé de vivre un moment de solitude lors d'un baiser? Ouais, quand même. Moi, je suis partisan du pour avec la langue, tu vois. Ouais. Et ça m'est déjà arrivé à l'époque, quand on était plutôt plus jeune, avec mon premier chéri, on savait pas trop comment faire. Et c'est arrivé que on se soit percuté assez violemment et je me suis mangé ses dents. D'accord. Ça arrive. Mais ça, ouais. Alice, elle m'avait raconté une histoire. Je crois qu'elle s'est pété une dent comme ça. Oui, c'est vrai. Ben en fait, elle a encore pété. Elle est fissurée en bas, dent de devant en fait. Mais je sais pas. Mais c'était. Mais on s'embrassait même pas. J'étais avec mon ex et puis on s'est mis à se marrer comme ça, la bouche ouverte, les yeux fermés et comme des hop caca. Et les deux dents se sont entrechoquées. Et lui pareil, il a perdu un gros bout de dent et moi j'ai dû aller me faire tout limer les dents parce que j'avais genre un triangle quoi, un truc tout pointu. Putain. Et tout. C'était horrible. J'en ai pleuré. Hein, j'avais peur. Bien sûr, mais embrasser quelqu'un, ça peut être dangereux. Hyper dangereux. Et bien sûr, faites attention à vos dents, les amis. Moi, j'ai encore toutes mes dents, j'ai jamais embrassé personne. T'imagines. Kassim, t'as déjà eu, toi, des failles de bisous ou pas, toi? Ouais, c'était une de mes ex. Du coup, on faisait de l'athlétisme ensemble, on courait et tout. Et en fait, elle s'était arrêtée et là, elle a craché un gros molard. Oh. Et juste après, moi, je suis arrivé, je lui ai roulé une pelle, tu vois. Non. Alors, je vais surenchérir avec une petite anecdote à base de fraises Tagada j'étais au camping de Saint-Pabu. Encore hein, et bien sûr, tous les étés, j'allais au camping de Saint-Pabu en Bretagne. Et en fait, j'avais participé au concours de Mister Camping. Et tu sais, là, franchement, là, tous ceux qui écoutent se disent, il raconte une connerie. J'assure que c'est vrai. J'avais participé au concours de Mister Camping. Je vous assure que c'est vrai. T'as gagné au moins? Non, parce que j'avais rencontré une petite nana et tout. C'est là qu'on te croit finalement. C'est quand tu dis que t'as pas gagné. Ah ouais, je dis toute la vérité. Non, c'est vrai. Et en fait, j'avais rencontré une fille et j'étais en train de gérer une fille et tout. Voilà, dans le camping, j'avais abandonné l'idée de devenir Mister Camping pour une fille, bien sûr. Je pensais que c'était plus important, mais j'avais quand même pas mal picolé. C'était la fête et tout. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'étais j'étais pas très très bien et tout. J'avais dit attends, je reviens. Et tout. Et là, j'avais été vomir, un truc de ouf, quoi. Et en fait, vite, j'avais bouffé quelques fraises Tagada, et quand je suis revenu, j'avais honte de lui dire que j'avais vomi, quoi. Du coup, je l'ai embrassé juste après. Voilà. Dégueulasse. Oh là là, le goût, ça devait être horrible. Le goût, j'en sais rien, mais en tout cas, franchement, pour moi, elle avait vu que du feu. On va demander à Alexandra si elle aussi, elle a déjà fait un fail de bisous. Bonsoir Alexandra. Bonsoir. Salut. Alexandra. Ben oui, parfois, il arrive des choses. Hein. Et toi, qu'est-ce qui t'est arrivé, Alexandra? Moi, ce qui m'est arrivé, c'est que je suis tombée sur un mec qui savait pas du tout embrasser avec la langue. Donc moi, je suis vraiment team pas langue, pas du tout, parce que c'était pire que chez le dentiste, quoi. J'avais la bouche toute propre après. Ah ouais, non, mais voilà. Franchement, moi, j'ai connu quelques femmes quand même, et il y a différentes manières d'embrasser, clairement, à pleine bouche. Il y a aussi différentes façons d'embrasser. Je veux dire, il y a une façon d'embrasser qui est, enfin, pour moi, en tout cas, différente quand tu fais l'amour à la fille. Bah oui. Et quand, tu lui dis bonjour le matin. Bah oui, t'es dans la rue, imagine, t'embrasses ta meuf comme quand tu lui fais l'amour, c'est un peu gênant pour les gens qui passent, quoi. Un petit peu gênant. C'est ça, c'est en fonction des circonstances. Mais du coup, toi, Alex, t'as eu une mauvaise expérience.